Back in the days when shit wasn't quite right, it was the music that got me by. Music touched my soul. Music from the ghetto. Back nobody the tell me how to live my life. Turn up the beat and let me write my rhymes. Once again, a song. Another tight rap song. Like back in the day. Trop de trip, trop de briques, trop d'enfants. Trop dans la masse pour être une star, rien à foutre, sort. Chaque été, mes bagos sont dans la merde. Au quartier, en chantier, on n'aime plus trop la mer. Tous les 5, la bringue, les fringues, RMI ou Keno. En 125, on feinte comme des dingues, les flics au facho. À l'ancienne, mec, à l'ancienne. J'suis au comptoir, ça vient à qui de remettre la sienne. À moi de prendre le mic et de faire un freestyle. Ça rappe avec la laine du ramadan, tellement y'a la dalle. À l'ancienne, man. Comme t'as une bombe ou la clique. C'est l'époque mob, deep et de Capone et Noriega, délicat. Je choisis entre Tupac et Biggie. J'avais la coupe de Milton Man dans le pipe avec Mary G. On emballait les bougeurs sur du R. Kelly. Et on se prenait pour des thugs en criant oh la zone. A l'ancienne c'était légendaire comme Tupac. On aimait déconner, faire des plans au terrain vague. On était des chiens de la casse, toujours premier de la classe. Oui pour tailler les cours et pour finir souvent à la plage. Trop de bons moments que je remémore chez El Kantaoui. Trop de bons moments passés dur au Chioni. Aujourd'hui on décompresse souvent à l'actuel. On se manque, smoke, smoke, chicha everyday. Back in the days the shit wasn't quite right. It was the music that got me by. Music touched my soul. Music from the ghetto. Back nobody the tell me how to live my life. Turn up the beat and let me write my rhymes. Once again a song. Another tight rap song. Like back in the day. Ce morceau c'est pour mes potes, pour ceux qui ont ou pas la cote. Ceux qui bounce et sont pointés souvent devant la porte. Ceux qui se donnent à fond et sur la piste crient oh yeah. Qu'ils ont le poste à fond et dans la caisse c'est oh yeah. À l'ancienne, je viens raviver les souvenirs de Warren G à Ice Cube et Snoop, D-O-Double-G yeah. Le temps de Milouze, mais j'ai Alexis au 116. C'était sex, money, money, bla, money. Bla, bla, c'est ce qu'ils ont dans la bouche, c'est Kerba. Trop de sang dans leur couche pour abattre à Elowen. Le saut de l'ange sans faire de plat. Ils me connaissent pas, Comoria, faut dire machallah. Trop fou sans doute, en tout cas, c'est moi qui reçois les pierres ou les roses pour mes choix. Dédié aux morts en leur mémoire. Le plan d'Ao, c'est plus qu'une histoire. On bat les couilles, on bat les couilles. Passe-moi le mic que je tire à ta place si t'as la trouille. Voici le grand retour des petits du plan d'Ao. Flow à lancer pour ma route. Flow à la poésie route. À la cool. Comme à l'époque de Sticky Yeke Yeke. Où le seul bling bling était nos gros bijoux de famille. Je te ramène à l'époque où on vivait le hip hop. J'ai si à style, die, on criait chante Nato. I got the mic and I think I'm gonna run with it. It ain't no fun when the rabbit got the gun, is it? Tons of cash, but you made a couple crumbs with it. It feels good when you look at what they got in the day. I got the mic and I think I'm gonna run with it. It ain't no fun when the rabbit got the gun, is it? Tons of cash, but you made a couple crumbs with it. It feels good when you look at what they got in the day. The shit wasn't quite right. It was the music that got me by. Music touched my soul. Music from the ghetto. From Long Beach, West Side. See, catch it. Song is off the hook. Yes, sir. Plan down, get up and put your motherfucking hands in there. Smoke shisha every day.